8h, il est 8h, vous écoutez France Culture. Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Le Christ est ressuscité. Chers amis, dimanche de l'aveugle-né aujourd'hui, c'est-à-dire dernier dimanche avant la clôture de la fête de Pâques, nous recevons le Père Michel Evdokimov pour continuer notre entretien sur cette suite de fêtes qui viennent après Pâques et qui nous mène de la fête de Pâques jusqu'à celle de la Pentecôte. Nous prenons donc toutes les fêtes intermédiaires. Père, nous avons vu il y a 15 jours avec vous les premiers dimanches après Pâques, c'est-à-dire on a parlé un peu de Thomas parce qu'on avait déjà développé ceci il y a un moment, et puis les femmes mirophores, le dimanche du paralytique, la mi-Pentecôte. Après? Eh bien après, c'est le récit de la Samaritaine. Alors, je voudrais simplement rappeler qu'au cours de l'émission précédente, nous avons évoqué l'importance du corps au moment de la résurrection, le corps glorieux, le corps du Christ ressuscité, et nous avons évoqué, bien entendu, le corps humain, le corps concret, réel, souffrant et guéri par le ressuscité. Nous avons évoqué en effet Thomas qui est invité à mettre la main dans les plaies du corps glorieux du Seigneur, les mirophores qui se rendaient au sépulcre pour oindre de parfum, de la myrrhe, le corps de leur maître bien-aimé, le paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Donc, le corps que l'on embaume, le corps que l'on redresse, le corps que l'on ressuscite, toujours pour l'introduire dans une vie nouvelle. C'est le thème général de ces dimanches. Alors, nous arrivons à au récit de la Samaritaine, c'est-à-dire à l'évangile qui a été lu dimanche dernier. Le corps, dans ce récit, est d'abord perçu avec ses besoins concrets, immédiats. Jésus est fatigué, il a chaud, c'est midi, le soleil doit taper dur. Survient une femme avec une cruche pour puiser de l'eau dans le puits, et Jésus, de but en blanc, lui demande « Donne-moi à boire ». Autrement dit, il nous apparaît, Jésus, dans sa pleine humanité. Il est fatigué, il doit transpirer, il a soif d'eau, et en même temps, cette eau concrète, l'eau du puits, va devenir prétexte à une soif plus grande, une soif de l'esprit, une soif de vie éternelle. Vous voyez, Jésus se met dans la posture du quémandeur, de celui qui a quelque chose à demander. En quelque sorte, il se met au niveau de la femme pour permettre à cette femme de s'élever ensuite petit à petit au niveau où lui, Jésus, veut la mener. D'abord, la femme est en effet très étonnée. « Toi, juif, tu m'adresses la parole, à moi, samaritaine. » De plus, il faut pas oublier que dans ce type de civilisation, les hommes et les femmes ne se parlent pas entre eux. Cette femme est venue pour étancher la soif du corps, mais petit à petit, au fur et à mesure que Jésus parle, elle sent s'éveiller en elle une soif d'autre chose. À l'affirmation du Christ qui boira cette eau aura encore soif, mais qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors, elle change sa manière de parler et demande au Seigneur, donne-moi de cette eau. Oui, elle se rapproche du Christ à ce moment-là. Ils sont, si je puis dire, sur la même longueur d'onde. L'eau, ne l'oublions pas, nous l'avons déjà évoqué il y a 15 jours, dans l'évangile de Saint Jean, l'eau est un petit peu le symbole de l'Esprit Saint, le symbole de la colombe qui descend sur le Christ le jour du baptême dans le Jourdain. L'eau, pour cette femme, la Samaritaine, L'eau est un élément concret qui va lui permettre de s'ouvrir à la venue de l'Esprit. Et brusquement, Jésus va ramener cette femme à son mode de vie. « Amène ton mari. » Elle répond, « Mais je n'ai pas de mari. » « Ah, tu dis bien, tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Cette manière de parler, tout à fait inattendue, hein, n'est-ce pas ? Il était question d'eau, et puis maintenant on parle de cette kyrielle de Marie. Jésus a ainsi une manière de révéler la blessure profonde de cette femme. Au fond, c'est un peu comme s'il lui demandait « Qu'as-tu fait de ton corps ?» Une femme qui a eu 5 maris, dont l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari, c'est une femme qui n'a pas été aimée. Les hommes n'ont pas su révéler chez cette femme sa nature profonde. Et voilà qu'elle rencontre en Christ, et pour la première fois de sa vie, elle rencontre un homme. Un homme qui ne la juge pas, un homme qui lui apprend des choses qui vont entraîner son esprit très loin, très haut. Un homme qui lui rend sa dignité de femme. Et la Samaritaine est complètement retournée, convertie, prête à recevoir ce message d'adoration en esprit et en vérité. Vous vous rappelez cet épisode, Jésus lui dit, oui, ce n'est plus sur le mont Garizim, c'est là où les Samaritains allaient prier, ce n'est plus dans le temple de Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité que vous prierez Dieu, et donc vous le prierez partout dans l'univers. Dieu n'est plus limité à une région particulière, à un lieu particulier. La femme est complètement retournée, elle court à la ville. Il y a un petit détail intéressant, elle laisse sa cruche près du puits. Un petit peu comme si Saint Jean voulait dire, oh, elle n'a plus besoin de cette eau. De toute façon, si, quand elle en aura bu, elle aura encore soif. Mais maintenant, elle a trouvé une autre eau, l'eau de la vie éternelle. Et alors, elle ameute les gens de la ville. Elle leur dit, mais venez, celui que nous attendions, mais il est là, il est près du puits, venez le voir. Elle agit comme un missionnaire. Elle fait connaître Jésus et elle amène les hommes près de Jésus. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a révélé ma nature profonde. Voilà une femme ressuscitée à une vie nouvelle, déjà emplie de la présence de l'Esprit. Avec la Samaritaine, nous sommes bien à la charnière entre la fête de Pâques et la fête de la Pentecôte vers laquelle nous nous dirigeons peu à peu. La Samaritaine, donc un dialogue absolument extraordinaire. Nous avons peut-être oublié de souligner que tout le long de cette période, nous lisons l'évangile de Jean. Nous commençons le soir de Pâques, et ceci continue donc pendant toute cette période, comme d'ailleurs les actes des apôtres à la place des épîtres de Paul, qui relatent les événements de la première vie de l'Église. Et puis évidemment, la Samaritaine, vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose d'extraordinaire. Jésus parle à une femme, cette femme est pécheresse, elle est hérétique. Et ce dialogue absolument merveilleux, qui retourne le sens de la vie complètement, et d'ailleurs on le voit, elle oublie sa cruche à la fin, sa vie a changé, est livré donc à un personnage qui, a priori, est mis hors de la société, en dehors complètement. Elle est repoussée du fait de son appartenance au sexe féminin, à une autre tribu, et également sa vie privée, qui évidemment... Voilà maintenant la fête d'aujourd'hui, l'aveugle-né. L'aveugle-né. Alors, vous avez dit très justement que durant ces dimanches, nous lisons l'évangile de Saint Jean. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Je trouve que, de toute façon, ces épisodes, ces récits sont absolument extraordinaires et nous remplissent d'émerveillement devant la beauté de la résurrection et de la descente de l'Esprit-Saint. Mais j'aimerais simplement rappeler une chose, c'est que l'apôtre Jean, le plus jeune, celui que le Christ aimait est le seul des apôtres au pied de la croix. Voilà, c'est la seule chose, le seul petit détail que je voulais rappeler. Le récit de l'aveugle né, il est bien connu, il se lit un petit peu comme un roman, très bien structuré en trois parties. Jésus, en passant, voit un aveugle et on lui pose la question, qui a péché ? C'est lui ou ce sont ses parents ? N'est-ce pas ? Puisque dans cette optique juive du temps, toute maladie, toute infirmité est le signe d'un péché particulier. Jésus, lui, ne se pose pas de questions, il prend de la boue, il enduit les yeux de l'aveugle et il lui dit « va te laver ». Et une fois lavé, l'aveugle est guéri. Dans une deuxième partie, les gens sont étonnés. Comment ? Mais cet aveugle, il voit maintenant, mais c'est pas possible, enfin, ils comprennent pas. Les pharisiens sont indignés, c'est un jour de sabbat. On guérit pas les aveugles le jour de sabbat. Et ils chassent l'aveugle né. Dans une troisième partie, Jésus va le trouver dans la foule et lui pose la question cruciale. Crois-tu dans le Fils de Dieu ? Et l'aveugle répond, enfin l'ancien aveugle répond, qui est-il ? Et Jésus répond, tu l'as vu, celui qui te parle, c'est lui. Je crois, Seigneur. Et il l'adora. Alors, ce récit est très étonnant. Un homme sort de la nuit, il voit la lumière de la vie concrète, et il voit celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Le premier être humain, ou un des premiers êtres humains sur lesquels il pose son regard, c'est celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Il va passer par les trois étapes de la vie spirituelle, la purification, l'illumination et l'union à Dieu. Il adore le Seigneur. Dans cette perspective du temps entre Pâques et la Pentecôte, le récit pose d'abord le problème du corps malade, du corps guéri, du corps en voie de résurrection. Les Juifs posent la question, qui a péché ? Pour eux, c'est très net, il y a un lien entre le péché et la souffrance, c'est tout le problème de Job, n'est-ce pas ? On l'a déjà vu. Et je dirais que cette mentalité perdure. Moi, je connais des gens qui disent « Oh, une fois tombé malade, ça veut dire que Dieu me punit pour mes péchés, me punit... » Mais je crois que c'est une fausse manière d'aborder ce problème de la maladie. Si l'homme est plongé dans le malheur, s'il crie sa révolte contre le malheur, contre la souffrance, s'il accuse Dieu, alors il fait de Dieu un être terrifiant, qui châtie au petit bonheur la chance, qui il veut, aussi bien les bons que les méchants. Et c'est pas comme cela que moi je conçois Dieu. Dieu ne veut pas le malheur. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la souffrance, les maladies, la guerre, la mort. Non. Mais l'homme tombe dans la souffrance, dans les maladies, dans la guerre et dans la mort, quand il s'éloigne de Dieu. Le mal manifeste tout simplement l'éloignement de l'homme d'avec Dieu. Car Dieu ne veut pas le malheur, mais il veut le bonheur de l'homme. Il a créé le monde pour qu'elle s'épanouisse dans la joie de vivre. Et c'est pour cela que le Christ vient sur terre, et qu'il guérit le paralytique, et qu'il guérit l'aveugle né, qu'il guérit tous ceux qui sont cabossés par le malheur, et qu'il va les chercher jusqu'aux enfers pour les rendre à la joie de la résurrection. Il y a une très belle phrase du poète Claudel qui dit « Jésus n'est pas venu sur terre pour expliquer la souffrance. Il n'y a pas d'explication rationnelle à la souffrance. » mais pour remplir la souffrance de sa présence. Et je crois que si nous vivons ce mystère de la souffrance profondément, ce n'est que en Christ que nous pouvons comprendre que quelqu'un nous accompagne sur notre chemin de croix. Ce récit de l'aveugle-né offre un autre sujet de méditation. La cécité physique comme symbole de la cécité spirituelle. Croire, c'est aussi voir, contempler. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit ceci, « La foi est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. » La foi est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas, c'est le regard intérieur. Et je crois que nous devons cultiver notre regard intérieur. Les poètes peuvent avoir accès à ce monde qu'on ne voit pas, ce monde mystérieux. Rimbaud, par exemple, disait « Le poète est un voyant ». Une très belle expression. Il voit ce que celui qui n'est pas poète ne peut pas voir, ce à quoi il n'a pas accès. L'aveugle-né, en recouvrant la vue, pose le regard sur le Sauveur du monde. Ce récit, je crois, nous invite à ouvrir notre regard intérieur pour le rendre apte à accueillir cette grande lumière de Pâques, cette grande lumière de la Pentecôte, puisque Pâques nous prépare à la Pentecôte, cette grande lumière de celui qui est partout présent. Père, dernier dimanche avant Pâques aujourd'hui, et dernier dimanche où nous chantons toujours depuis donc cette fête, cette ritournelle qui vient et qui revient toujours dans la liturgie, le Christ est ressuscité. Alors je vous propose de faire une petite pause musicale ici pour écouter la chorale Saint-Jean Damasène dirigée par Serge Sauret, dans le Tropère de Pâques justement. Mercredi prochain donc, ce que nous appelons la clôture de Pâques. En fait, on va refaire l'office de Pâques, presque à l'identique, je dirais. Et puis, jeudi, la fête de l'Ascension. On sent un petit passage vers la Pentecôte. Comment tout ceci est construit et comment finit donc cette période? C'est une première étape. Je voudrais dire un mot sur la clôture. Dans l'Église orthodoxe, je pense que c'est d'une manière peut-être un peu différente, et cela existe également dans l'Église catholique, il y a une grande fête et un certain nombre de jours de fête avant la clôture de la fête, en général une semaine, pas toujours, mais enfin en général. Donc pendant ce temps, avant la clôture de la fête, nous répétons les hymnes de la fête, les antiennes de la fête, les tropères, les conagions, etc. Pour reprendre ce côté festif, cela se fait dans les monastères, c'est plus visible, si vous voulez, que dans les paroisses, bien entendu, où on célèbre soit le soir de semaine, soit le dimanche. Mais quoi qu'il en soit, la clôture de la fête de Pâques est la plus longue. 40 jours. Le mercredi, veille de l'Ascension, nous allons célébrer pour la dernière fois les grandes festivités pascales comme pendant la nuit de Pâques. C'est ça la clôture de la fête de Pâques. Et puis, au soir du mercredi, nous sommes déjà dans les vigiles de l'Ascension, et le jeudi de l'Ascension, nous commémorons donc le retour du Seigneur vers le Père. Le dimanche suivant, alors ce sera le dimanche d'avant la Pentecôte, le dimanche de la commémoration des pères du premier concile œcuménique qui s'est réuni en 325. C'est le premier des sept conciles œcuméniques. Vous savez que l'on appelle l'Église orthodoxe parfois l'Église des sept conciles. Il a eu une tâche précise, très importante, très lourde, condamner une hérésie, l'hérésie d'Arius. Pour Arius, Arius était un prêtre d'Alexandrie, et son hérésie se répandait un petit peu partout dans l'Empire byzantin. Pour Arius, le Christ est une créature, c'est un homme créé. Certes, l'homme le meilleur, le plus sage, le plus beau, mais un homme. C'est-à-dire que il y a eu un temps où Christ n'était pas. Or, nous nous disons qu'il est né du Père avant tous les siècles. Donc, il est né dans l'éternité. Arius nie la divinité du Christ, il nie son égalité de nature avec le Père, et ce faisant, il ruine, il met à bas la foi chrétienne. Si Arius avait triomphé, le Christ ne serait pas le sauveur du monde, le sauveur des hommes, et très probablement, on ne parlerait plus de la religion chrétienne. La religion chrétienne, la foi chrétienne, la vie de l'Église sont enracinées dans l'éternité, parce que justement, le Christ est éternel, éternellement vivant. Il est mort, dans son corps, il est descendu aux enfers, et puis il est ressuscité. Et alors, cette incapacité de reconnaître en Christ le Fils de Dieu, hélas, nous la retrouvons aujourd'hui. D'après certaines enquêtes, il semble qu'un grand nombre de chrétiens dans un pays comme la France, à peu près 40%, ne croient pas en la résurrection du Christ, tout en se réclamant du christianisme. En un sens, on peut dire que Arius a triomphé. Alors, les pères du premier concile œcuménique ont affirmé avec force la divinité du Christ. Saint Paul en parle dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, lorsqu'il dit que le Christ n'a pas cru indigne de quitter la place qu'il avait à la droite du Père, donc au point le plus haut dans le ciel, pour descendre sur terre au point le plus bas, pour se présenter aux hommes comme le serviteur souffrant, un homme que l'on va insulter, sur lequel on va cracher, que l'on va mettre en croix. Il s'est abaissé au point le plus bas. C'est ce qu'on appelle la kénose, n'est-ce pas, l'abaissement, l'humiliation, l'humilité du Christ. Abaissement du Christ qui entraîne l'élévation de l'homme, lequel homme devient alors le temple de l'Esprit-Saint. Cet abaissement et cette élévation du Christ se fait dans le corps du Christ. Et là, je crois, nous retrouvons ce thème général qui nous a suivis tout au long de ces analyses de ces dimanches, qui est le thème du corps. Il fallait que Jésus assume un corps d'homme, lui qui n'a pas quitté son rang divin, pour que ce corps vivifié par sa divinité puisse accéder à la vie éternelle. Dans ce sens, ce corps devient le temple de l'Esprit-Saint. Nous devons glorifier Dieu dans notre esprit et dans notre corps. Le corps et notre âme, le corps et notre esprit sont absolument indissolubles. inséparables. Cette réaffirmation de la divino-humanité, la divino-humanité signifie que dans le Christ, il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Cette réaffirmation de la divino-humanité nous permet de nous unir, nous, êtres humains, à la nature divine du Christ et de nous laisser par grâce transformer par les énergies divines. Et c'est ce que le premier concile œcuménique a fait. Il a permis à la foi chrétienne de ne pas sombrer dans la destruction totale. Et il faut voir dans ce premier concile œcuménique une atmosphère de Pentecôte. Les pères sont rassemblés sous la mouvance, sous la guidance de l'Esprit-Saint, car c'est lui, l'Esprit-Saint, qui inspire les paroles que vont prononcer les pères pour cerner le mystère du Fils, pour voir que le Fils a la même nature. Il faut trouver les mots, n'est-ce pas ? Il est consubstantiel, évidemment, ce sont des mots difficiles à comprendre pour l'homme d'aujourd'hui, mais ces vérités sont importantes et sont difficiles à comprendre. Pour cerner le mystère du Fils qui est de même nature que le Père. Les pères du premier concile sont ils ont un petit peu la même attitude que les pères du concile de Jérusalem dont il est question dans le 15e chapitre des Actes des Apôtres. Et ces pères du concile de Jérusalem ont trouvé cette formule extraordinaire. Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous. Autrement dit, il faut bien voir que dans les conciles œcuméniques qui nous donnent les dogmes de la foi, c'est l'Esprit-Saint qui inspire ceux qui formulent cette foi. Et alors nous serons un petit peu comme les pères du premier concile, nous allons recevoir le don de l'Esprit, nous arrivons au bout de ce temps entre Pâques et la Pentecôte, ces deux grands événements sur lesquels l'Église chrétienne est fondée. Père Michel, je vous remercie beaucoup d'avoir retracé toute cette trajectoire des fêtes qui suivent Pâques et qui nous mènent à la Pentecôte. Notre prochaine émission, ce sera le dimanche justement de Pentecôte, 11 juin. Nous recevrons le Père Hyacinthe d'Estivelle pour parler de son livre « Le Concile de Moscou 1917-1918 ». Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com. Bienvenue à l'écoute du service protestant sur France Culture, une émission de la Fédération protestante de France présentée par Daniel Jeanne. Le culte que vous allez entendre ce matin vous est proposé par une petite équipe du service protestant de mission, le DEFAP, avec Claire-Lise Lombard, le pasteur Bernard Coyot et Serge Félix Chikaya qui interprètent aussi les chants. De tous ces cris de joie ou de tristesse, de toutes ces prières que tant d'hommes et de femmes ont fait monter vers Dieu, certaines ont traversé le temps et sont parvenues jusqu'à nous. Ainsi ces voix des psaumes, celle de David par exemple, qui chante son Dieu. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes peurs. Et voilà que sa prière se poursuit par une invitation joyeuse. Allons, goûtez, et voyez comme le Seigneur est bon. Mais comment fait-on pour goûter cette bonté de Dieu? Dans cette semaine que je viens de vivre, est-ce que j'en ai vu quelques traces? C'est pourtant là l'essentiel, la bonté de Dieu. Chercher, reconnaître, accueillir, goûter les signes de sa présence et de son amour dans le quotidien de mon existence. Et cette bonté de Dieu pour moi a pris un visage, celui de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait devient ma référence. Ou mieux encore, cette source secrète, intime, qui me rafraîchit, me régénère, qui me ramène à l'essentiel quand je m'égare ou me disperse. Alors moi aussi, je chante sa bonté. Allons glorifier le Messie, ô païéa, en, glorifier, glorifier en chantant le nom de Jésus-Christ, en. Allons glorifier le Messie, ô païéa, en, glorifier, glorifier en chantant le nom de Jésus-Christ, en. Glorifiant, Jésus-Christ, en. Te pa et mbapi wan wan, opa ye ya, an wan wan, glorifiant Jésus-Christ, an wan wan, te pa et mbapi wan wan, opa ye ya. Jésus n'est plus là. Tout au moins, il n'est pas là, visible. Et on ne peut ni le toucher, ni le voir, ni l'entendre. Il nous reste sa parole et l'esprit qu'il souffle sur ceux qui croient en lui. L'esprit, c'est un peu comme sa pensée, son inspiration. Comme une lumière qui viendrait m'habiter, m'éclairer de l'intérieur, me faire regarder les gens, les situations autrement, me donner, nous donner, d'agir, non pas comme lui, ce serait trop dire, tant nous sommes parfois bien médiocres dans nos actes ou nos paroles, mais disons d'agir à sa manière, à sa façon. Alors bien sûr, les églises et les chrétiens sont parfois décevants, conformistes, et le refrain si souvent entendu les juge même hypocrites. Mais il y a aussi des trésors, de ces hommes et de ces femmes habités, qui vous donnent envie de croire, de servir et d'aimer, et dont la vie nous raconte l'extraordinaire de l'Évangile dans le quotidien de l'existence. Ce matin, nous vous proposons de méditer une parole tirée du Sermon sur la montagne. Une parole qui pourrait se résumer par ces trois mots, l'extraordinaire au quotidien. Et notre méditation, nous la tisserons avec trois histoires, trois témoins, deux femmes et un homme, inconnus pour vous, mais que nous avons croisés un jour dans notre travail au service protestant de mission. Finalement, le meilleur commentaire de l'Évangile, l'exégèse la plus belle, c'est aussi avec nos vies que nous l'écrivons. N'est-ce pas ainsi que Jésus voulait que l'on entende ses paroles? Non seulement écouter, mais vivre, ou écouter pour en vivre? Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, aïe, aïe, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Seigneur Jésus, tu es bien vivant, et tu continues, je le crois, de manifester ta bonté, de guérir, de pardonner, de consoler,